Chapitre 3. Le docteur Klaoboni. Richard Shandon était un bon marin. Il avait longtemps commandé les baleiniers dans les mers arctiques avec une réputation solidement établie dans tout le Lancastre. Une pareille lettre pouvait à bon droit l'étonner. Il s'étonna donc, mais avec le sang-froid d'un homme qui en a vu d'autres. Il se trouvait d'ailleurs dans les conditions voulues. Pas de femme, pas d'enfant, pas de parents, un homme libre s'il en fut. Donc, n'ayant personne à consulter, il se rendit tout droit chez Messieurs Marquard et compagnie, banquiers. « Si l'argent est là, se dit-il, le reste va tout seul. » Il fut reçu dans la maison de banque avec les égards dus à un homme que 16 000 livres attendent tranquillement dans une caisse. Ce point vérifié, Shandon se fit donner une feuille de papier blanc et de sa grosse écriture de marin, il envoya son acceptation à l'adresse indiquée. Le jour même, il se mit en rapport avec les constructeurs de Birkenhead et, 24 heures après, la quille du Forward s'allongeait déjà sur l'étain du chantier. Richard Shandon était un garçon d'une 40aine d'années, robuste, énergique et brave, trois qualités pour un marin, car elles donnent la confiance, la vigueur et le sang-froid. On lui reconnaissait un caractère jaloux et difficile. Aussi ne fut-il jamais aimé de ses matelots, mais craint. Cette réputation n'allait pas d'ailleurs jusqu'à rendre laborieuse la composition de son équipage, car on le savait habile à se tirer d'affaire. Shandon craignait que le côté mystérieux de l'entreprise fût de nature à gêner ses mouvements. Aussi, se dit-il, le mieux est de ne rien ébruiter. Il y aurait de ces chiens de mer qui voudraient connaître le parce que et le pourquoi de l'affaire, et comme je ne sais rien, je serais fort empêché de leur répondre. Ce KZ est à coup sûr un drôle de particulier. Mais au bout du compte, il me connaît, il compte sur moi, cela suffit. Quant à son navire, il sera joliment tourné, et je ne m'appelle pas Richard Shandon s'il n'est pas destiné à fréquenter la mer glaciale. Mais gardons cela pour moi et mes officiers. Sur ce, Shandon s'occupa de recruter son équipage en se tenant dans les conditions de famille et de santé exigées par le capitaine. Il connaissait un brave garçon très dévoué, bon marin, du nom de James Wall. Ce Wall pouvait avoir 30 ans et n'en était pas à son premier voyage dans les mers du Nord. Shandon lui proposa la place de 3e officier et James Wall accepta les yeux fermés. Il ne demandait qu'à naviguer et il aimait beaucoup son état. Shandon lui conta l'affaire en détail ainsi qu'à un certain Johnson dont il fit son maître d'équipage. « Au petit bonheur, répondit James Wall, autant cela qu'autre chose. Si c'est pour chercher le passage du Nord-Ouest, il y en a qui en reviennent. » « Pas toujours, répondit Maître Johnson, mais enfin ce n'est pas une raison pour n'y point aller. D'ailleurs, si nous ne nous trompons pas dans nos conjectures, reprit Shandon, il faut avouer que ce voyage s'entreprend dans de bonnes conditions. Ce sera un fin navire, ce Forward, et muni d'une bonne machine, il pourra aller loin. 18 hommes d'équipage, c'est tout ce qu'il nous faut. » 18 hommes, répliqua Maître Johnson, autant que l'Américain Ken en avait à bord quand il a fait sa fameuse pointe vers le pôle. C'est toujours singulier, reprit Wall, qu'un particulier tente encore de traverser la mer du détroit de Davis au détroit de Bering. Les expéditions envoyées à la recherche de l'amiral Franklin ont déjà coûté plus de 160 000 livres à l'Angleterre, sans produire aucun résultat pratique. Qui diable peut encore risquer sa fortune dans une entreprise pareille? D'abord, James, répondit Shandon, nous raisonnons sur une simple hypothèse. Irons-nous véritablement dans les mers boréales ou australes? Je l'ignore. Il s'agit peut-être de quelques nouvelles découvertes à tenter. Au surplus, il doit se présenter un jour ou l'autre un certain docteur Klaoboni, qui en sera sans doute plus long et sera chargé de nous instruire. Nous verrons bien. Attendons alors, dit Maître Johnson. Pour ma part, je vais me mettre en quête de solides sujets, commandant. Et quant à leur principe de chaleur animale, comme dit le capitaine, je vous le garantis d'avance. Vous pouvez vous en rapporter à moi. Ce Johnson était un homme précieux. Il connaissait la navigation des hautes latitudes. Il se trouvait en qualité de quartier-maître à bord du Phoenix, qui fit partie des expéditions envoyées en 1853 à la recherche de Franklin. Ce brave marin fut même témoin de la mort du lieutenant français Belot, qui l'accompagnait dans son excursion à travers les glaces. Johnson connaissait le personnel maritime de Liverpool et se mit immédiatement en campagne pour recruter son monde. Shandon, Wall et lui firent si bien que, dans les premiers jours de décembre, leurs hommes se trouvèrent au complet. mais ce ne fut pas sans difficulté. Beaucoup se sentaient alléchés par l'appât de la haute paye que l'avenir de l'expédition effrayait, et plus d'un s'engagea résolument, qui vint plus tard rendre sa parole et ses acomptes, dissuadé par ses amis de tenter une pareille entreprise. Tous, d'ailleurs, essayaient de percer le mystère et pressaient de questions le commandant Richard. Celui-ci les renvoyait à Maître Johnson. « Que veux-tu que je dise, mon ami ?» répondait invariablement ce dernier. « Je n'en sais pas plus long que toi. En tout cas, tu seras en bonne compagnie, avec des lurons qui ne broncheront pas. C'est quelque chose, cela. » Ainsi donc, pas tant de réflexion, c'est à prendre ou à laisser. Et la plupart prenaient. « Tu comprends bien, » ajoutait parfois le maître d'équipage, « je n'ai que l'embarras du choix. Une haute paye, comme on n'en a jamais vu de mémoire de marin, avec la certitude de trouver un joli capital au retour. Il y a là de quoi allécher. » « Le fait est, » répondaient les matelots, « que cela est fort tentant, de l'aisance jusqu'à la fin de ses jours. « Je ne te dissimulerai point, » reprenait Johnson, « que la campagne sera longue, pénible, périlleuse. Cela est formellement dit dans nos instructions. Ainsi, il faut bien savoir à quoi l'on s'engage, très probablement à tenter tout ce qu'il est humainement possible de faire, et peut-être plus encore. Donc, si tu ne te sens pas un cœur hardi, un tempérament à toute épreuve, si tu n'as pas le diable au corps, si tu ne te dis pas que tu as 20 chances contre une d'y rester, si tu tiens, en un mot, à laisser ta peau dans un endroit plutôt que dans un autre, ici de préférence à là-bas, tourne-moi les talons et cède ta place à un plus hardi compère. Mais au moins, Maître Johnson, reprenait le matelot poussé au mur, au moins, vous connaissez le capitaine. Le capitaine, c'est Richard Shandon, l'ami, jusqu'à ce qu'il s'en présente un autre. Or, il faut le dire, c'était bien la pensée du commandant. Il se laissait facilement aller à cette idée qu'au dernier moment, il recevrait ses instructions précises sur le but du voyage et qu'il demeurerait chef à bord du Forward. Il se plaisait même à répandre cette opinion, soit en causant avec ses officiers, soit en suivant les travaux de construction de briques dont les premières levées se dressaient sur les chantiers de Birkenhead comme les côtes d'une baleine renversée. Shandon et Johnson s'étaient strictement conformés à la recommandation touchant la santé des gens de l'équipage. Ceux-ci avaient une mine rassurante. Ils possédaient un principe de chaleur capable de chauffer la machine du Forward. Leurs membres élastiques, leur teint clair et fleuri, les rendaient propres à réagir contre les froids intenses. C'étaient des hommes confiants et résolus, énergiques et solidement constitués. Ils ne jouissaient pas tous d'une vigueur égale. Shandon avait même hésité à prendre quelques-uns d'entre eux, tels que les matelots Gripper et Garry, et le harponneur Simpson, qui lui semblait un peu maigre. Mais au demeurant, la charpente était bonne, le cœur chaud, et leur admission fut signée. Tout cet équipage appartenait à la même secte de la religion protestante. Dans ces longues campagnes, la prière en commun, la lecture de la Bible doivent souvent réunir des esprits divers et les relever aux heures de découragement. Il importe donc qu'une dissidence ne puisse pas se produire. Shandon connaissait par expérience l'unité de ses pratiques et leur influence sur le moral d'un équipage. Aussi sont-elles toujours employées à bord des navires qui vont hiverner dans les mers polaires. L'équipage composé, Shandon et ses 2 officiers s'occupèrent des approvisionnements. Ils suivirent strictement les instructions du capitaine, instructions nettes, précises, détaillées, dans lesquelles les moindres articles se trouvaient portés en qualité et quantité. Grâce au mandat dont le commandant disposait, chaque article fut payé comptant, avec une bonification de 8% que Richard porta soigneusement au crédit de KZ. Équipage, approvisionnement, cargaison, tout se trouvait prêt en janvier 1860. Le Forward prenait déjà tournure. Shandon ne passait pas un jour sans se rendre à Birkenhead. Le 23 janvier, un matin, suivant son habitude, il se trouvait dans l'une de ces larges barques à vapeur qui ont un gouvernail à chaque extrémité pour éviter de virer de bord et font incessamment le service entre les 2 rives de la Mersey. Il régnait alors un de ces brouillards habituels qui obligent les marins de la rivière à se diriger au moyen de la boussole, bien que leur trajet dure à peine 10 minutes. Cependant, quelque épais que fût ce brouillard, il ne put empêcher Shandon de voir un homme de petite taille, assez gros, à figure fine et réjouie, au regard aimable, qui s'avança vers lui, prit ses 2 mains et les secoua avec une ardeur, une pétulance, une familiarité toute méridionale, eût dit un Français. Mais si ce personnage n'était pas du Midi, il l'avait échappé belle. Il parlait, il gesticulait avec volubilité. Sa pensée devait à tout prix se faire jouer au dehors, sous peine de faire éclater la machine. Ses yeux, petits comme les yeux de l'homme spirituel, sa bouche, grande et mobile, étaient autant de soupapes de sûreté qui lui permettaient de donner passage à ce trop-plein de lui-même. Il parlait tant et si allègrement, il faut l'avouer, que Shandon ne pouvait rien comprendre. Seulement, le second du Forward ne tarda pas à reconnaître ce petit homme qu'il n'avait jamais vu. Il se fit un éclair dans son esprit et au moment où l'autre commençait à respirer, Shandon glissa rapidement ses paroles « Le docteur Clawbonny ?»« Lui-même, en personne, commandant. Voilà près d'un grand quart d'heure que je vous cherche, que je vous demande partout et à tous. Concevez-vous mon impatience ? 5 minutes de plus et je perdais la tête. C'est donc vous, commandant Richard. Vous existez réellement ? Vous n'êtes point un mythe ? Votre main que je la serre encore une fois dans la mienne. Oui, c'est bien la main de Richard Shandon. Oh, s'il y a un commandant Richard, il existe un brick, le Forward, qu'il commande. Et s'il le commande, il partira. Et s'il part, il prendra le docteur Clawbonny à son bord. Eh bien oui, docteur, je suis Richard. Il y a un brick, le Forward, et il partira. C'est logique, répondit le docteur, après avoir fait une large provision d'air à expirer. C'est logique. Aussi, vous me voyez en joie. Je suis au comble de mes vœux. Depuis longtemps, j'attendais une pareille circonstance, et je désirais entreprendre un semblable voyage. Or, avec vous, commandant. Permettez, fit Shandon. Avec vous, reprit Clawbonny sans l'entendre, nous sommes sûrs d'aller loin et de ne pas reculer d'une semelle. Mais, reprit Shandon, car vous avez fait vos preuves, commandant, et je connais vos états de service. Ah, vous êtes un fier marin. Si vous voulez bien. Non, je ne veux pas que votre audace, votre bravoure et votre habileté soient mises un instant en doute, même par vous. Le capitaine qui vous a choisi pour second est un homme qui s'y connaît, je vous en réponds. « Mais il ne s'agit pas de cela, » fit Shandon, impatienté. « Et de quoi s'agit-il donc ? Ne me faites pas languir plus longtemps. »« Vous ne me laissez pas parler, que diable ! Dites-moi, s'il vous plaît, docteur, comment vous avez été amené à faire partie de l'expédition du Forward ?»« Mais par une lettre, par une digne lettre que voici, lettre d'un brave capitaine, très laconique, mais très suffisante. » Et ce disant, le docteur tendit à Shandon une lettre ainsi conçue. Inverness, 22 janvier 1860. Au docteur Clawbonny, Liverpool. Si le docteur Clawbonny veut s'embarquer sur le Forward pour une longue campagne, il peut se présenter au commandeur Richard Shandon qui a reçu des instructions à son égard. Le capitaine du Forward, K.Z. Et la lettre est arrivée ce matin et me voilà prêt à prendre pied à bord du Forward. Mais au moins, reprit Shandon, savez-vous, docteur, quel est le but de ce voyage ? Pas le moins du monde. Mais que m'importe, pourvu que j'aille quelque part. On dit que je suis un savant. On se trompe, commandant. Je ne sais rien. Et si j'ai publié quelques livres qui ne se vendent pas trop mal, j'ai eu tort. Le public est bien bon de les acheter. Je ne sais rien, vous dis-je, si ce n'est que je suis un ignorant. Or, on m'offre de compléter, ou pour mieux dire, de refaire mes connaissances en médecine, en chirurgie, en histoire, en géographie, en botanique, en minéralogie, en conchyliologie, en géodésie, en chimie, en physique, en mécanique, en hydrographie. Eh bien, j'accepte, et je vous assure que je ne me fais pas prier. Alors, reprit Shandon, désappointé, vous ne savez pas où va le Forward. Si, commandant, il va là où il y a à apprendre, à découvrir, à s'instruire, à comparer, où se rencontrent d'autres mers, d'autres contrées, d'autres peuples à étudier dans l'exercice de leurs fonctions. Il va en un mot là où je ne suis jamais allé. Mais plus spécialement, s'écria Shandon. Plus spécialement, répliqua le docteur, j'ai entendu dire qu'il faisait voile vers les mers boréales. Eh bien, va pour le septentrion. Au moins, demanda Shandon, vous connaissez son capitaine ? Pas le moins du monde, mais c'est un brave, vous pouvez m'en croire. Le commandant et le docteur étaient débarqués à Birkenhead. Le premier mit le second au courant de la situation, et ce mystère enflamma l'imagination du docteur. La vue du brick lui causa des transports de joie. Depuis ce jour, il ne quitta plus Shandon, et vint chaque matin faire sa visite à la coque du Forward. D'ailleurs, il fut spécialement chargé de surveiller l'installation de la pharmacie du bord, car c'était un médecin, et même un bon médecin, que ce Klaoboni, mais peu pratiquant. À 25 ans, docteur comme tout le monde, il fut un véritable savant à 40. Très connu de la ville entière, il devint membre influent de la Société littéraire et philosophique de Liverpool. Sa petite fortune lui permettait de distribuer quelques conseils qui n'en valaient pas moins pour être gratuits. Aimé comme doit l'être un homme éminemment aimable, il ne fit jamais de mal à personne, pas même à lui. Vif et bavard si l'on veut, mais le cœur sur la main et la main dans celle de tout le monde. Lorsque le bruit de son intronisation à bord du Forward se répandit dans la ville, ses amis mirent tout en œuvre pour le retenir, ce qui l'enracina plus profondément dans son idée. Or, quand le docteur s'était enraciné quelque part, bien habile, qu'il en eût arraché. Depuis ce jour, les « on dit », les suppositions, les appréhensions allèrent croissant. Mais cela n'empêcha pas le Forward d'être lancé le 5 février 1860. 2 mois plus tard, il était prêt à prendre la mer. Le 15 février, comme l'annonçait la lettre du capitaine, un chien de race danoise fut expédié par le railway d'Édimbourg à Liverpool, à l'adresse de Richard Shandon. L'animal paraissait hargneux, fuyard, même un peu sinistre, avec un singulier regard. Le nom du Forward se lisait sur son collier de cuivre. Le commandant l'installa à bord le jour même et en accusa réception à Livourne aux initiales indiquées. Ainsi donc, sauf le capitaine, l'équipage du Forward était complet. Il se décomposait comme suit. Premièrement, KZ, capitaine. Deuxièmement, Richard Shandon, commandant. Troisièmement, James Wall, troisième officier. Quatrièmement, le docteur Klaoboni. Cinquièmement, Johnson, maître d'équipage. Sixièmement, Simpson, harponneur. Septièmement, Bell, charpentier. Huitièmement, Brunton, premier ingénieur. Neuvièmement, Plover, second ingénieur. Dixièmement, Strong, nègre, cuisinier. Onzièmement, Fokker, icemeister. Douzièmement, Folsten, armurier. Treizièmement, Bolton, matelot. Quatorzièmement, Garry, matelot. Quinzièmement, Clifton, matelot. Seizièmement, Gripper, matelot. Dix-septièmement, Penn, matelot. Dix-huitièmement, Warren, chauffeur. Chapitre 4. Dog Captain. Le jour du départ était arrivé avec le 5 avril. L'admission du docteur à bord rassurait un peu les esprits. Où le digne savant se proposait d'aller, on pouvait le suivre. Cependant, la plupart des matelots ne laissaient pas d'être inquiets. Et Shandon, craignant que la désertion ne fît quelques vides à son bord, souhaitait vivement d'être en mer. Les côtes hors de vue, l'équipage en prendrait son parti. La cabine du docteur Klaoboni était située au fond de la dunette, et elle occupait tout l'arrière du navire. Les cabines du capitaine et du second, placées en retour, prenaient vue sur le pont. Celle du capitaine resta hermétiquement close, après avoir été garnie de divers instruments, de meubles, de vêtements de voyage, de livres, d'habits de rechange et d'ustensiles indiqués dans une note détaillée. Suivant la recommandation de l'inconnu, la clé de cette cabine lui fut adressée à Lübeck. Il pouvait donc seul entrer chez lui. Ce détail contrariait Shandon et ôtait beaucoup de chance à son commandement en chef. Quant à sa propre cabine, il l'avait parfaitement appropriée aux besoins du voyage présumé, connaissant à fond les exigences d'une expédition polaire. La chambre du troisième officier était placée dans le faux pont, qui formait un vaste dortoir à l'usage des matelots. Les hommes s'y trouvaient fort à l'aise, et ils eussent difficilement rencontré une installation aussi commode à bord de tout autre navire. On les soignait comme une cargaison de prix. Un vaste poêle occupait le milieu de la salle commune. Le docteur Klaoboni était, lui, tout à son affaire. Il avait pris possession de sa cabine dès le 6 février, le lendemain même de la mise à l'eau du Forward. « Le plus heureux des animaux, disait-il, serait un colimaçon qui pourrait se faire une coquille à son gré. Je vais tâcher d'être un colimaçon intelligent. » Et ma foi, pour une coquille qu'il ne devait pas quitter de longtemps, sa cabine prenait bonne tournure. Le docteur se donnait un plaisir de savant ou d'enfant à mettre en ordre son bagage scientifique. Ses livres, ses herbiers, ses casiers, ses instruments de précision, ses appareils de physique, sa collection de thermomètres, de baromètres, d'hygromètres, d'udomètres, de lunettes, de compas, de sextants, de cartes, de plans, les fioles, les poudres, les flacons de sa pharmacie de voyage très complète, tout cela se classait avec un ordre qui eût fait honte au British Museum. Cet espace de 6 pieds carrés contenait d'incalculables richesses. Le docteur n'avait qu'à étendre la main sans se déranger pour devenir instantanément un médecin, un mathématicien, un astronome, un géographe, un botaniste ou un conchyliologue. Il faut l'avouer, il était fier de ses aménagements et heureux dans son sanctuaire flottant, que 3 de ses plus maigres amis eussent suffi à remplir. Ceux-ci, d'ailleurs, y affluèrent bientôt avec une abondance qui devint gênante, même pour un homme aussi facile que le docteur, et, à l'encontre de Socrate, il finit par dire « Ma maison est petite, mais plût au ciel qu'elle ne fût jamais pleine d'amis ». Pour compléter la description du Forward, il suffira de dire que la niche du grand chien danois était construite sous la fenêtre même de la cabine mystérieuse. Mais son sauvage habitant préférait errer entre l'entrepont et la cale du navire. Il semblait impossible à apprivoiser, et personne n'avait eu raison de son naturel bizarre. On l'entendait, pendant la nuit surtout, pousser de lamentables hurlements, qui résonnaient dans les cavités du bâtiment d'une façon sinistre. Était-ce regret de son maître absent? Était-ce instinct aux approches d'un périlleux voyage? Était-ce pressentiment des dangers à venir? Les matelots se prononçaient pour ce dernier motif, et plus d'un en plaisantait qui prenait sérieusement ce chien-là pour un animal d'une espèce diabolique. Penn, homme fort brutal d'ailleurs, s'étant un jour élancé pour le frapper, tomba si malheureusement sur l'angle du cabestan qu'il s'ouvrit affreusement le crâne. On pense bien que cet accident fut mis sur la conscience du fantastique animal. Clifton, l'homme le plus superstitieux de l'équipage, fit aussi cette singulière remarque que ce chien, lorsqu'il était sur la dunette, se promenait toujours du côté du vent. Et plus tard, quand le brick fut en mer et courut débordé, le surprenant animal changeait de place à chaque virement et se maintenait au vent comme l'eût fait le capitaine du Forward. Le docteur Clawbonny, dont la douceur et les caresses auraient apprivoisé un tigre, essaya vainement de gagner les bonnes grâces de ce chien. Il perdit son temps et ses avances. Cet animal, d'ailleurs, ne répondait à aucun des noms inscrits dans le calendrier cynégétique. Aussi les gens du bord finirent-ils par l'appeler Captain, car il paraissait parfaitement au courant des usages du bord. Ce chien-là avait évidemment navigué. On comprend dès lors la réponse plaisante du maître d'équipage à l'ami de Clifton et comment cette supposition ne trouva pas beaucoup d'incrédules. Plus d'un la répétait en riant, qui s'attendait à voir ce chien reprenant un jour sa forme humaine commander la manœuvre d'une voix retentissante. Si Richard Shandon ne ressentait pas de pareilles appréhensions, il n'était pas sans inquiétude. Et la veille du départ, le 5 avril au soir, il s'entretenait sur ce sujet avec le docteur, Wall et maître Johnson dans le carré de la dunette. Ces 4 personnes dégustaient alors un 10e grog, leur dernier sans doute car, suivant les prescriptions de la lettre d'Aberdeen, tous les hommes de l'équipage, depuis le capitaine jusqu'au chauffeur, étaient « teetotalers », c'est-à-dire qu'ils ne trouveraient à bord ni vin, ni bière, ni spiritueux, si ce n'est dans le cas de maladie et par ordonnance du docteur. Or, depuis une heure, la conversation roulait sur le départ. Si les instructions du capitaine se réalisaient jusqu'au bout, Shandon devait le lendemain même recevoir une lettre renfermant ses derniers ordres. « Si cette lettre, disait le commandant, ne m'indique pas le nom du capitaine, elle doit au moins nous apprendre la destination du bâtiment. Sans cela, où le diriger ?»« Ma foi, répondit l'impatient docteur, à votre place, Shandon, je partirai même sans lettre. Elle saurait bien courir après nous, je vous en réponds. » Vous ne doutez de rien, docteur, mais vers quel point du globe feriez-vous voile, s'il vous plaît? Vers le pôle Nord, évidemment, cela va sans dire. Il n'y a pas de doute possible. Pas de doute possible, répliqua Wall. Et pourquoi pas vers le pôle Sud? Le pôle Sud, s'écria le docteur, jamais. Est-ce que le capitaine aurait eu l'idée d'exposer un brick à la traversée de tout l'Atlantique? Prenez donc la peine d'y réfléchir, mon cher Wall. Le docteur a réponse à tout, répondit ce dernier. Va pour le nord, reprit Shandon. Mais dites-moi, docteur, est-ce au Spitzberg? Est-ce au Groenland? Est-ce au Labrador? Est-ce à la baie d'Hudson? Si les routes aboutissent toutes au même but, c'est-à-dire à la banquise infranchissable, elles n'en sont pas moins nombreuses, et je serais fort embarrassé de me décider pour l'une ou pour l'autre. Avez-vous une réponse catégorique à me faire, docteur ? Non, répondit celui-ci vexé de n'avoir rien à dire. Mais enfin, pour conclure, si vous ne recevez pas de lettre, que ferez-vous ? Je ne ferai rien, j'attendrai. Vous ne partirez pas ? S'écria Clawbonny en agitant son verre avec désespoir. Non, certes. C'est le plus sage, répondit doucement Maître Johnson, tandis que le docteur se promenait autour de la table car il ne pouvait tenir en place. Oui, c'est le plus sage, et cependant, une trop longue attente peut avoir des conséquences fâcheuses. D'abord, la saison est bonne, et si nord il y a, nous devons profiter de la débâcle pour franchir le détroit de Davis. En outre, l'équipage s'inquiète de plus en plus. Les amis, les camarades de nos hommes les poussent à quitter le Forward, et leur influence pourrait nous jouer un mauvais tour. Il faut ajouter, reprit James Wall, que si la panique se mettait parmi nos matelots, ils déserteraient jusqu'au dernier, et je ne sais pas, commandant, si vous parviendriez à recomposer votre équipage. Mais que faire ? S'écria Shandon. Ce que vous avez dit, répliqua le docteur, attendre, mais attendre jusqu'à demain, avant de se désespérer. Les promesses du capitaine se sont accomplies jusqu'ici avec une régularité de bon augure. Il n'y a donc aucune raison de croire que nous ne serons pas avertis de notre destination en temps utile. Je ne doute pas un seul instant que demain nous ne naviguions en pleine mer d'Irlande. Aussi, mes amis, je propose un dernier grog à notre heureux voyage. Il commence d'une façon un peu inexplicable, mais avec des marins comme vous, il a 1000 chances pour bien finir. Et tous les quatre, ils trinquèrent une dernière fois. Maintenant, commandant, reprit Maître Johnson, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de tout préparer pour le départ. Il faut que l'équipage soit certain de votre fait. Demain, qu'il arrive une lettre ou non, appareillez. N'allumez pas vos fourneaux. Le vent a l'air de bien tenir. Rien ne sera plus facile que de descendre grand largue. Que le pilote monte à bord. À l'heure de la marée, sortez des docks. Allez mouiller au-delà de la pointe de Pickenhead. Nos hommes n'auront plus aucune communication avec la Terre, et si cette lettre diabolique arrive enfin, elle nous trouvera là, comme ailleurs. Bien parlé, mon brave Johnson, fit le docteur en tendant la main au vieux marin. Va comme il est dit, répondit Shandon. Chacun alors regagna sa cabine et attendit, dans un sommeil agité, le lever du soleil. Le lendemain, les premières distributions de lettres avaient eu lieu dans la ville, et pas une ne portait l'adresse du commandant Richard Shandon. Néanmoins, celui-ci fit ses préparatifs de départ. Le bruit s'en répandit immédiatement dans Liverpool, et comme on l'a vu, une affluence extraordinaire de spectateurs se précipita sur les quais de New Prince Docks. Beaucoup d'entre eux vinrent à bord du Brix, qui, pour embrasser une dernière fois un camarade, qui, pour dissuader un ami, qui, pour jeter un regard sur ce navire étrange, qui, pour connaître enfin le but du voyage. Et l'on murmurait à voir le commandant plus taciturne et plus réservé que jamais. Il avait bien ses raisons pour cela. 10 heures sonnèrent, 11 heures même, le flot devait tomber vers 1 heure de l'après-midi. Shandon, du haut de la dunette, jetait un coup d'œil inquiet à la foule, cherchant à surprendre le secret de sa destinée sur un visage quelconque. Mais en vain. Les matelots du Forward exécutaient silencieusement ses ordres, ne le perdant pas des yeux, attendant toujours une communication qui ne se faisait pas. Maître Johnson terminait les préparatifs de l'appareillage. Le temps était couvert et la houle très forte en dehors des bassins. Il ventait du sud-est avec une certaine violence, mais on pouvait facilement sortir de la Mersey. À midi, rien encore. Le docteur Clawbonny se promenait avec agitation, lorgnant, gesticulant, impatient de la mer, comme il le disait avec une certaine élégance latine. Il se sentait ému, quoi qu'il pût faire. Shandon se mordait les lèvres jusqu'au sang. En ce moment, Johnson s'approcha et lui dit « Commandant, si nous voulons profiter du flot, il ne faut pas perdre de temps. Nous ne serons pas dégagés des docks avant une bonne heure. » Shandon jeta un dernier regard autour de lui et consulta sa montre. L'heure de la levée de midi était passée. « Allez, » dit-il à son maître d'équipage. « En route, vous autres !» cria celui-ci en ordonnant aux spectateurs de vider le pont du Forward. Il se fit alors un certain mouvement dans la foule qui se portait à la coupée du navire pour regagner le quai, tandis que les gens du brick détachaient les dernières amarres. Or, la confusion inévitable de ces curieux, que les matelots repoussaient sans beaucoup d'égard, fut encore accrue par les hurlements du chien. Cet animal s'élança tout d'un coup du gaillard d'avant à travers la masse compacte des visiteurs. Il aboyait d'une voix sourde. On s'écarta devant lui, il sauta sur la dunette, et, chose incroyable, mais que 1000 témoins ont pu constater, ce dog captain tenait une lettre entre ses dents. « Une lettre ? » s'écria Shandon. « Mais il est donc à bord ?»« Il y était, sans doute, mais il n'y est plus, » répondit Johnson en montrant le pont complètement nettoyé de cette foule incommode. « Capitaine, capitaine, ici !» s'écriait le docteur en essayant de prendre la lettre que le chien écartait de sa main par des bonds violents. Il semblait ne vouloir remettre son message qu'à Shandon lui-même. « Ici, capitaine !» fit ce dernier. Le chien s'approcha, Shandon prit la lettre sans difficulté, et Captain fit alors entendre 3 aboiements au milieu du silence profond qui régnait à bord et sur les quais. Shandon tenait la lettre sans l'ouvrir. « Mais lisez donc, lisez donc !» s'écria le docteur. Shandon regarda. L'adresse, sans date et sans indication de lieu, portait seulement au commandant Richard Shandon à bord du brick, le Forward. Shandon ouvrit la lettre et lut. « Vous vous dirigerez vers le cap Farewell. Vous l'atteindrez le 20 avril. Si le capitaine ne paraît pas à bord, vous franchirez le détroit de Davis et vous remonterez la mer du Baffin jusqu'à la baie Melville. Le capitaine du Forward, KZ. » Shandon plia soigneusement cette lettre laconique, la mit dans sa poche et donna l'ordre du départ. Sa voix, qui retentit seule au milieu des sifflements du vent d'est, avait quelque chose de solennel. Bientôt le Forward fut hors des bassins et dirigé par un pilote de Liverpool dont le petit côtre suivait à distance, il prit le courant de la Mersey. La foule se précipita sur le quai extérieur qui longe les docks Victoria afin d'entrevoir une dernière fois ce navire étrange. Les 2 huniers, la misaine et la brigantine, furent rapidement établis. Et sous cette voilure, le Forward, digne de son nom, après avoir contourné la pointe de Birkenhead, donna à toute vitesse dans la mer d'Irlande.